L'étudiant remonta chez lui. Vautrin sortit. Quelques instants après, Madame Couture et Victorine montèrent dans un fiacre que Sylvie alla leur chercher. Poiré offrit son bras à Mademoiselle Michonneau et tous deux allèrent se promener au jardin des plantes pendant les deux belles heures de la journée. « Eh bien, les voilà donc quasiment mariés, » dit la grosse Sylvie. « Ils sortent ensemble aujourd'hui pour la première fois. Ils sont tous deux si secs que s'ils se cognent, ils feront feu comme un briquet. » « Gare au châle de Mademoiselle Michonneau, » dit en riant Madame Vauquet. « Il prendra comme de l'amadou. »